Chapitre 2e. L'enlèvement de la fiancée. Sous Louis, l'eau bouillonnante, autour de lui, les ténèbres impénétrables, l'écho de la fusillade et des cris sinistres des ennemis à sa poursuite. Bill se cramponnait des deux mains à la branche, réduit, semblait-il, à la dernière extrémité. Le froid de la rivière ne tarda pas à lui faire perdre la conscience de lui-même. Les yeux fermés, il se sentait lentement enfoncé dans l'eau qui mugissait autour de son jeune corps. Bientôt des bourdonnements sourds emplirent ses oreilles, une fatigue mortelle l'envahit. Bientôt encore, ses doigts-là menacèrent de lâcher la branche glissante. Alors, il lui sembla que de très loin, une voix aimée et familière l'appelait, et qu'au milieu de l'horrible désert plein de toutes les épouvantes de la mort, il voyait les yeux de sa mère. Comme si la pauvre femme ne pouvait pas mourir sans l'avoir embrassée et bénie encore une fois avant l'éternel départ. C'est sa mère qui l'appelle. Il faut qu'il aille. Quand même l'enfer enverrait contre lui tous ses épouvantements, il faut qu'il aille à sa mère. À cette pensée, Bill reprend toute son énergie. Un sentiment de vigueur nouvelle monte en lui et le grise comme un vin généreux. Son intelligence travaille fiévreusement, avec une lucidité double, et rapidement, le jeune homme décide ce qu'il doit faire. L'arbre vers la branche duquel un hasard charitable avait dirigé Bill était l'unique saule de tous les environs, et en se rappelant ce détail, Bill se rappela aussi qu'au-dessous des racines de ce saule géant béait le trou profond et large qui communiquait avec la caverne des rochers. C'était le chemin le plus dangereux, mais aussi le plus court pour y arriver, et c'était ce trou qu'il avait à franchir. Bill lâcha prise d'une main. Il ne se tenait plus que de la main gauche à la branche qui l'attirait complètement dans l'eau. Sans s'émouvoir de la fusillade de ses ennemis qui étaient là tout près, Bill imprima à son corps, du mieux qu'il put, un mouvement de balancement, et de la main droite, il tâta sous l'eau pour rencontrer l'ouverture de l'excavation. Deux fois, trois fois, il chercha en vain. Puis il eut une grande joie. Sa mémoire l'avait conduit comme un guide fidèle, le trou était là, en forme de voûte et tout plein d'eau. Le traverser à la nage était une entreprise périlleuse. Sur 100, pas un peut-être n'en fut sorti vivant. Mais il n'en serait pas de même de Bill. Sans hésiter, il se laissa complètement glisser sous l'eau et plongea dans la profondeur du trou. Froide comme de la glace était cette eau. Sans fin la distance que le téméraire garçon avait à franchir. La respiration commençait à lui manquer. Ses esprits menaçaient de l'abandonner. Bientôt, dans les oreilles du plongeur qui buvait de plus en plus, tinta comme un glas de cloche funèbre. Ses mouvements devinrent mal assurés, convulsifs, désordonnés. « Allons, un dernier terrible effort !» L'instant d'après, exténué, un tremblement secouant tous ses membres, Bill se trouva accroupi sur le roc dur et glissant, respirant l'air de cette cave avec une satisfaction indicible, si lourd et si vicié qu'il fût. Mais notre jeune héros ne voulut pas se reposer longtemps. Sur les mains et sur les pieds, il se mit à gravir une pente très rapide qui menait jusqu'au haut de la caverne à une place où, par un étrange caprice, la nature avait pratiqué une ouverture dans la masse rocheuse, sorte de chemin suivant la voûte et qui faisait comme un conduit par où venait l'air extérieur. Parfois, pendant sa montée à quatre pattes, de minces filets d'eau se pulvérisaient en tombant sur lui d'en haut. Il rencontrait çà et là des sources jaillies du rocher qui s'enfuyait vers les profondeurs. Le bruit qu'elle faisait, résonnant dans cette solitude souterraine, était doublement sinistre. Il s'amplifiait en tonnerre et par moments étouffait tous les autres sons. De grosses gouttes de sueur coulaient sur le front de Bill. Ses vêtements de cuir lui collaient au corps et alourdissaient chacun de ses mouvements. Mais sa volonté inflexible surmontait toutes les fatigues. Chose étrange, plus il grimpait haut, moins il semblait à Bill qu'il se rapprochât du jour, comme si la caverne eût été au centre d'une montagne et qu'aucun rayon de lumière du dehors n'eût pu l'éclairer. En même temps, une fumée sèche, avec une odeur de brûlé, embarrassait sa respiration. Plus il avançait, plus cette fumée devenait épaisse. Soudain, le jeune homme fut comme frappé d'une commotion électrique. Il s'arrêta et, retenant son souffle, écouta. À travers le grondement de l'eau qui se précipite, il saisit l'écho de voix humaines. Ainsi, il se trouvait des hommes dans cette caverne dont il croyait être seul à connaître l'existence. Cette découverte remplit Bill d'effroi, car ceux qui étaient là autour de lui ne pouvaient être que des ennemis. La voix de celui qu'il avait tant cherché conduisait à cette caverne, et voilà que dans cette caverne, il y avait des ennemis. Alors, que faire? Redoublant de précautions, unissant la souplesse du tigre à l'adroite agilité de la panthère, Bill se remit à ramper en avant. Plus loin dans les terres, la caverne se perdait en un chaos de roches renversées les unes sur les autres et couvrant un très vaste espace. Il avait fallu un hasard extraordinaire pour que Bill découvrît un jour la seconde entrée, jalousement cachée à tout œil mortel et par laquelle il venait de pénétrer. Quant à l'autre entrée, la vraie, il n'y avait qu'un initié qui pût la trouver. Très étonné, Bill se demandait, tout en grimpant sans relâche, comment on avait pu connaître le secret de l'existence de cette caverne. Mais ce n'était pas le moment de musarder à réfléchir, c'était de l'action qu'il fallait. Bill était enfin parvenu tout en haut de la caverne proprement dite. L'orifice supérieur de ce conduit d'air, qu'il venait de suivre de bout en bout, était à peine large comme un tuyau de cheminée. Il baignait complètement dans la nuit. Dans la caverne même brûlaient des torches et une fumée âcre et sentant le brûlé, qui faisait monter des larmes aux yeux de Bill, remplissait la vaste salle. Il fallut plusieurs secondes pour discerner quelque chose dans cette ombre opaque. Mais bientôt il blêmit et s'absorba dans la contemplation d'un groupe d'hommes assis autour d'un feu et s'offrant à sa vue au premier plan. Compagnie bruyante d'aventuriers farouches et résolus. L'un d'eux, plus grand et plus imposant que les autres, avait le visage mâle et hardi, une barbe noire comme le charbon, et des yeux scrutateurs et pleins d'éclairs. C'était le chef. Bill sut par les battements de son cœur que celui qu'il avait sous les yeux était Jesse James lui-même. Ainsi, il était tout près, à portée de la main, pour ainsi dire, du chef de bande tristement fameux qui s'était attaché aux intérêts du Sud et qui avait mis à mort avec une cruauté diabolique tant de partisans des États du Nord combattant pour la liberté des esclaves. Le jeune homme se sentit alors le sein percé d'une douleur aiguë à la pensée qu'il avait perdu ses armes. Ah, que n'avait-il sa carabine en main ? Certes, ce misérable altéré de sang aurait exhalé là son dernier souffle, mais dans sa situation présente, Bill n'avait rien d'autre chose à faire que de se taire et se dissimuler. Par bonheur, aucun de ces hommes n'avait éventé son voisinage. Le bruit qu'il avait pu faire s'était perdu dans le vacarme qui emplissait la caverne. Une grande agitation régnait dans le groupe. Quelques-uns causaient, accroupis sur le sol, et s'adressaient avec animation au chef qui se tenait debout, appuyé sur sa carabine. À ce moment survint un autre associé de cette bande de voleurs. Le regard attentif de Bill le vit émerger des profondeurs de la nuit où se perdait l'entrée de la caverne, du côté opposé à celui où il était. L'homme se dirigea rapidement vers le chef. Dès les premiers mots, Bill, qui écoutait en retenant son souffle, put comprendre que la conversation que ces hommes surexcités entretenaient autour du feu avait précisément sa personne pour objet. « Êtes-vous un suppôt du diable ? » s'écria Jesse James, d'une voix claire et pénétrante et d'un ton irrité. « Cet individu a disparu comme une ombre, à votre nez, dites-vous ? » Avec un geste furieux, il se redressa et tapa du pied. « Précisément, » répondit le nouveau venu. « Sous la gueule du pistolet, il m'a plaqué là, et puis à l'eau. » Galoper sous bois ou en plein courant, c'était la même chose pour lui. Nos braves compagnons s'étaient postés au bas de la chute pour le recevoir tout chaud s'il passait à travers les bouillons de cet entonnoir. Mais il n'est venu qu'une carcasse de cheval noyée. De lui, pas la moindre trace. Jesse James était dans une colère terrible. Sa puissante charpente était toute secouée par la rage et ses yeux lançaient des éclairs sinistres. Il reprit, brandissant ses poings fermes. « 20 hommes, et plus, et ils n'ont pas pu le prendre vivant !» Il y avait de l'ironie dans sa colère. « Et son nom, tu le connais au moins, Dunn ? Par l'enfer, déballe tes paroles, qui était-ce »« C'est pas, » répondit-il d'un air maussade. « On ferait mieux de me panser le bras. » Saros m'a donné un coup de pied sur l'os. Ça me brûle comme le feu de l'enfer. Quelques-uns de ses camarades s'empressèrent autour de lui. Le capitaine fit un signe aux autres et dit rudement « Prenez les torches, il faut vérifier tout cela. Nous trouvons ou le cadavre de l'espion ou l'espion lui-même. Puisqu'il est vrai que jusqu'ici nous n'avons pas laissé passer un seul messager, il est bien certain que ce gaillard aussi doit tomber entre nos mains. » Prêt à partir, James revint dans le cercle de lumière de feu. « Donc, tu n'es bon à rien, Dan. Alors tu surveilleras la fille, » dit-il d'une voix impérieuse en indiquant de la main un côté de la caverne. « Sur ta tête, tu me réponds de la donzelle. Et quant à nous, les hommes, nous allons donner la chasse à l'espion. S'il vit encore et qu'il n'ait pas fait un pacte avec le diable, nous le prendrons sûrement. » Instinctivement, le regard de Bill avait suivi le mouvement de la main du capitaine. On avait parlé d'une jeune fille. Quel sort épouvantable pour une jeune fille faible et sans défense que d'être tombée aux mains d'un Jesse James. Ce ne fut que peu à peu que Bill parvint à percer l'obscurité du coin où devait se trouver la prisonnière. D'abord, il ne vit rien qu'une forme indistincte. Le vif éclat du feu haut flambant augmentait la noirceur funèbre de l'ombre dans ce coin abandonné. Puis, Bill discerna les contours d'une femme. Elle était étendue sur la terre. Il pouvait voir qu'elle était éveillée et qu'elle pleurait. Parfois, à travers la rumeur brutale des voix d'hommes, l'oreille avertie de Bill percevait le son de sanglots entrecoupés. Les bandits restés en arrière s'étaient occupés du bras blessé de leur camarade et l'avaient convenablement bandé. Alors, Dunn, qui s'était assis pour cette opération, se leva en étouffant une plainte. De son bras, il arracha du foyer une branche enflammée et il s'avança vers la prisonnière. À la lueur fumeuse de ce brandon, l'œil attentif de Bill put reconnaître que cette jeune fille était radieusement belle. Sa peau était d'une blancheur éblouissante. Ses yeux sombres, extraordinairement grands et mobiles à l'extrême, étaient pleins d'angoisse, et c'est avec une expression non déguisée d'horreur qu'ils se portèrent sur le geôlier. Elle avait les mains enchaînées. Ses vêtements étaient déchirés et souillés. Cependant, la robe de soie blanche, symbole d'innocence qui moulait sa taille svelte, conservait encore son éclat et craquetait à chacun de ses mouvements. Avec une stupeur croissante, notre jeune héros vit dans la chevelure blonde de cette gracieuse créature, parmi les boucles en désordre et les nattes dénouées, une couronne de myrte à laquelle pendait en haillons les restes flottants d'un voile de fiancée. Bill, dont le cœur battait vivement, ne douta pas d'avoir été conduit par la Providence dans cette caverne. Il y avait là une infortunée que, selon toute apparence, les mains criminelles de Jesse James et de sa clique avaient précipitée de l'apogée du bonheur, où elle s'était vue un instant comme fiancée, jusque dans la plus profonde et la plus effroyable misère. Cependant, Dunn était arrivé tout près de la jeune fille. Il la considérait avec un ricanement cynique. « Eh bien, poulette ?» « Qui t'aurait dit ça hier matin ?» commença-t-il d'un ton railleur. « Oui, Jesse James et sa troupe agile sont des convives à craindre. Ils s'introduisent dans le château de la noce, tout scintillant de lumière, et ils arrachent la fiancée à la fête. Y eut-il jamais surprise mieux réussie, hein ? Vos imbéciles de mineurs qui pensaient pouvoir se mesurer à nous ? Ah ah ! Ils pouvaient bien le croire, ma foi. Pif, paf, en un temps de mouvement, nous étions les maîtres. La belle fiancée emballée, et hop, à cheval, et déjà loin. Vrai, c'est une bonne farce. » Ces grossières paroles cinglaient la pauvre fille comme des coups de fouet. Elle leva les yeux vers l'insolent pour l'implorer. « Si une lueur de miséricorde subsiste en vous, ayez pitié de moi, » murmura-t-elle, et bien qu'à moitié étouffée par les sanglots, sa voix résonna, douce comme le chant du rossignol, ou le tintement argentin d'une cloche lointaine. « Que piaille la fillette ?» demanda Dunn en guise de réponse. « Mon père est riche, soyez miséricordieux, je vous le jure, emmenez-moi hors de ces lieux horribles, rendez-moi à mes parents, et vous serez princièrement récompensés. » « Ah ah !» ricana Dunn, que cet appel laissait parfaitement insensible. « Les morts n'ont plus à s'occuper de récompenses. » Mais, cette considération mise à part, j'aimerais mieux marcher sur la queue d'un serpent à sonnette que de donner lieu à Jesse James de soupçonner que je trahis. Ma vie ne vaudrait plus un sou. Laisse ça, fillette, ça ne servirait à rien. D'ailleurs, ton père, Huntington, est mort tout raide. Ce qui fait qu'il ne peut plus rien payer. Un long sanglot secoua le corps de l'infortuné. Mort ? Il est vraiment mort ? S'écria-t-elle sous le coup d'une douleur poignante. Oh Dieu, plein de miséricorde ! Comment as-tu souffert qu'un seul jour, dans sa courte durée, nous apporte à nous tous une peine sans mesure ? Mon père, si bon, si loyal, mort, et... Elle s'interrompit, suffoquée par l'excès de sa souffrance, tandis qu'un spasme contractait ses traits charmants. Elle reprit bientôt. « Oh ciel ! Et mon fiancé, mon Charles adoré ! Ne le laissez pas devenir folle, ô père qui êtes au ciel ! Est-ce que tout cela n'était pas un songe ? En plein bonheur, devant l'autel, et tout s'écroule à la fois. Mort, mort. Ah, que Dieu vous aide, l'homme. Dites-moi, ce qu'est devenu Charles Davis ? Laisse-moi tranquille avec tes pierreries, poulette ! » grogna le bandit en haussant les épaules. Il a bien fallu qu'il voie comment ça se fait. Ah, c'était justement là le plaisant de l'affaire. Comme vous étiez debout, si beaux tous les deux devant l'hôtel, dans la maison de ton père, tout à coup, invasion d'une troupe farouche, pif, paf, l'éclair et le tonnerre à la fois. Ce valet du diable de Jesse, qu'il se casse le cou un jour ou l'autre, je ne m'y oppose pas, c'est un bourreau. Et en définitive, j'en ai assez. Soyez miséricordieux, gémit de nouveau la belle captive. Délivrez-moi de cette extrémité de misère. Charles n'est pas mort, c'est impossible. Sa voix se perdit encore dans la violence de ses sanglots. Sans en être aucunement ému, son gardien était revenu auprès du feu du campement, où ses compagnons le saluèrent d'un rire bruyant et d'allusions grossières et brutales. Dis-lui donc de te donner un petit baiser, cria l'un de ses rustres, pendant que les autres se tordaient de rire. Et tu lui montreras après de quelle sorte de colique son bien-aimé Charles a été pris. Un autre alla droit à la pauvre fille tout en pleurs, la força à lever la tête et après l'avoir insolemment dévisagée, revint en disant « Dommage que le capitaine l'ait défendu. Cette poulette eût bien fait l'affaire du fils unique de mon père. »« C'est ça, chasse sur les terres de Jesse !» cria un autre. « Je m'en garderai, mais il a diablement bon goût. » »« Cette femme-là n'est pas pour lui !» grogna quelqu'un qui n'avait encore rien dit. « Je donnerai ma tête à couper qu'il y a quelque affaire avec Don Ramiro là-dessus. » Nous nous sommes mis en route pour lui permettre de s'entretenir en secret avec le capitaine. « Faribole !» interrompit un autre. « Ta langue te fera pendre, Mike. Tu sais que le capitaine ne peut pas souffrir ceux qui fourrent leur nez partout. En tout cas, nous n'avons pas marché trop vite. Sans le moindre petit baiser de la princesse Claire de Lune. C'est une poulette, celle-là, qui aurait été bien à mon goût. » Les autres, en manière d'approbation, poussèrent des cris de possédés. Cependant, Bill Cody, notre jeune héros, frémissait dans sa cachette d'une impuissante indignation. Des larmes brûlantes emplissaient ses yeux. Sa jeunesse en fleurs avait cette pureté de mœurs, ce respect de la femme qui ne l'abandonnèrent jamais durant toute sa vie. Mais il lui fallait se contenir. Il ne devait pas faire le plus léger bruit, quoi qu'il arrivât. Il ne pouvait que contempler, d'un regard chargé d'une sympathie infinie, cette gracieuse jeune fille dans son attitude d'abattement. Certes, il comprenait jusqu'au moindre des horribles événements qui frappaient cette charmante tête de fiancée et qui l'avaient précipitée du bonheur le plus haut dans une mer sans fond de souffrances et d'épreuves. Il sentait confusément aussi qu'il devait y avoir là en train quelque autre attentat caché, quelque complot diabolique où Jesse James jouait, avec l'aide de compagnons surgis de l'enfer, un rôle infâme et impie. Les quelques mots que Bill avait entendus l'avaient renseigné sur la famille de cet infortuné. Son père était l'homme le plus riche de tout le pays. Il possédait des mines inépuisables, il habitait avec sa famille une résidence d'aspect seigneurial, et la veille, en quelques instants, le sort si envié de cette famille considérée de tous avait été effroyablement changé. Bill fut bientôt arraché à son absorbante méditation. Un des bandits, que la course avait mis hors d'haleine, apparut soudain, haletant, à la porte de la caverne. « Oust, assez flâné !» cria-t-il de loin. Le capitaine est en tous ses états. Je ne l'ai jamais vu si furieux. Et il y a joliment d'années que je connais Jesse James. Il faut qu'il prenne l'individu, vivant ou mort, il se l'est juré. Arrivez tous. Charles Dunn suffira bien à garder la fille. » À contre-cœur, les hommes se levèrent, bâillant et s'étirant. « Qu'est-ce qu'il y a de cassé avec James ?»« Les États du Nord ne vous commanderaient pas plus durement, » grogna Dunn. « Est-ce qu'on va nous embêter tout le temps ?»« Silence, » dit un autre. « Ce que Jesse James fait est bien fait. Hourra pour Jesse James !» Tous agitèrent leurs chapeaux et de leurs gosiers rauques poussèrent une exclamation. Quant à Dunn, il restait en place, les poings fermés, l'air mauvais. « Vexation de malheur ! Un chien ne voudrait pas de cette vie » grommela-t-il avec une grimace de dégoût. « Silence, là, fainéant !» reprit celui qui avait fait acclamer Jesse James. « Sot que tu es ! Il s'agit de notre vie à tous !» Le capitaine est informé que la moitié d'une semaine ne s'écoulera pas sans que l'Union envoie des renforts tels qu'ils pourront nous pendre tous, chacun, à un arbre. Si nous n'emportons pas l'effort auparavant, le diable nous agrippe tous. Les peaux rouges branlent dans le manche, et s'ils ont tenu jusqu'à présent pour la cause glorieuse du Sud, ils pactiseraient aussi bien avec le Nord. Encore trois nuits, et alors prise d'assaut des forts Larned et Hayes. C'est pourquoi pas un chat n'a la permission de passer. Et maintenant, en avant les enfants. Toi, Dunn, fais bonne garde. Tu connais le capitaine, et tu sais que tu n'es déjà pas dans ses petits papiers. « Que personne de vous ne touche à mon cheval !» cria Dunn, malgracieux, à la troupe qui s'éloignait. On lui répondit par un éclat de rire général. Quelqu'un ajouta « Ne sois donc pas stupide, espèce de fou, comme si nous n'avions pas assez de chevaux. » « Mr. Huntington a mis à notre disposition toute son écurie. » Les pas de la troupe s'évanouirent peu à peu. Le cœur de Bill battait à lui et rompre la poitrine. La fièvre lui travaillait le cerveau. Il comprenait pour la première fois toute l'importance de sa mission. Il fallait qu'elle réussît, en dépit de tous les obstacles. Le salut des forts et de leur garnison en dépendait. La cause du Nord était en danger. Déjà avait été livrée la terrible bataille de Bull Run, qui s'était terminée par une victoire éclatante des Confédérés. Une nouvelle défaite de cette gravité serait fatale à l'Union et finirait décidément la guerre en faveur des esclavagistes du Sud. Mais avant tout, il s'agissait de sortir d'ici. Comment pourrait-il opérer son évasion? Sans compter qu'il n'était plus seul. Il avait déjà pris la résolution inébranlable de ne pas regagner sa liberté sans cette prisonnière, privé de tout soutien. Une idée lui traversa la tête qu'il ne fut pas long à transformer en fait, fait extraordinaire comme on va le voir. Aussi silencieusement que possible, Bill se souleva en dehors de l'étroit couloir où il était enfoncé jusqu'au cou. Sous ses pieds appuyés contre le rocher, un fragment se détacha et se brisa en miettes en tombant avec fracas. La chance voulut que le gardien, resté seul, fut à moitié abasourdi par la fièvre de sa blessure. Il leva la tête et écouta, mais aucun autre bruit ne se faisant entendre, il laissa retomber son menton, les yeux fixés sur la flamme, et ne tarda pas à s'assoupir tout à fait. Comme le cœur avait sauté dans la poitrine de Bill, mais l'insouciance de cet homme qu'il haïssait comme son ennemi mortel lui parut être d'un bon présage. Son œil chercheur avait aperçu une carabine appuyée non loin de Dunn à une pointe de rocher, et auprès, jetée à terre, la ceinture garnie d'armes qu'on lui avait volée. S'il réussissait à reprendre sa ceinture, il ne craindrait pas de tenir tête à toute la bande de Jesse James. Mais comment en arriver là? Bill s'était heureusement dégagé de son étroite cachette. Maintenant, il se laissa doucement tomber, avec l'adresse d'un maître gymnaste, jusqu'en bas de la paroi polie, et il réussit, au prix d'efforts surhumains, à le faire sans troubler le silence. En touchant le sol, Bill s'y coucha à plat ventre. Avec les mouvements sinueux d'un serpent, il se mit à ramper sur le roc visqueux à la manière des Indiens. Il se dirigeait vers la jeune fille, et celle-ci ne devait pas tarder à le voir. Si, à sa présence inopinée, elle criait, comme le font les femmes, Si elle faisait le moindre mouvement qui pût éveiller les soupçons, il était perdu. Dunn n'avait qu'à étendre la main vers son fusil, et c'en était fait de lui, pauvre soldat sans armes. Cependant, Bill était arrivé, toujours rampant, jusqu'à la jeune fille. Dans le visage angélique et hagard de la captive, des yeux pleins d'angoisse se tournèrent vers ce jeune homme au corps souple et glissant. L'infortuné ouvrait déjà sa bouche pour lancer un cri d'effroi. Mais, vif comme l'éclair, Bill s'était soulevé à demi et avait, en un geste suppliant, porté sa main à ses lèvres. Il n'avait jamais contemplé, lui sembla-t-il, des traits aussi nobles et aussi célestement doux. Cependant, la jeune fille l'avait compris. Une lueur de joie brilla dans ses yeux, levée au ciel en un mouvement de prière. Elle s'avança encore, retenant son souffle, le pouls battant en désordre, mais l'esprit toujours lucide, ne perdant pas de vue son but. Pourtant, quelque prudent qu'il fût, le bruit presque imperceptible d'une approche éveilla l'attention du gardien. Méfiant, Dunn tourna la tête. Aussitôt de sa bouche sortit un cri étouffé d'indicible terreur. Il se leva en chancelant. Affolé, il tâtonnait fébrilement pour trouver sa carabine. Mais Bill fut plus prompt que lui. Il bondit comme un tigre, et d'un gigantesque élan, il fut sur le fusil. L'arracher à la main frémissante du coquin et le lui mettre sur la poitrine, ce fut pour Bill l'affaire d'un instant. « Les mains en l'air » ordonna-t-il à son tour d'un ton résolu. « Pas de bruit, coquin, ou cette minute est ta dernière. » Dunn se rendit en grinçant des dents. L'apparition soudaine du jeune homme lui avait fait l'effet d'un spectre. Il se jeta tout son lot aux pieds de Bill en implorant sa clémence. Bill en profita pour prendre rapidement un revolver dans la ceinture qui était là. Puis il s'agenouilla auprès de Dunn étendu et lui appliqua sur la tempe le froid canon de son arme. « Je devrais te tuer, coquin, toi qui as si ignoblement assassiné mon pauvre père, Isaac Cody. » dit tout bas le jeune homme au capon tremblant. « Si j'épargne ta vie aujourd'hui, remercie-en cette jeune fille, mais l'heure viendra où cette vie que je te laisse, je la réclamerai, et où j'accomplirai mon serment. » Dunn était absolument terrifié. Un coup de poignard ne lui aurait pas tiré une goutte de sang. Sa langue collait au palais. Ses cheveux, courts et broussailleux, se dressaient tout droit et une sueur froide perlait à son front. D'un mouvement rapide, Bill avait tiré de sa poche le lasso qu'il portait toujours avec lui. Le revolver au poing, il se mit à garrotter le mauvais drôle jusqu'à ce qu'il l'eût dûment ficelé sans lui laisser la possibilité de remuer un membre. Des chiffons d'étoffe déchirés gisaient à terre. D'une main habile, notre héros eut vite fait d'en fabriquer un baillon qu'il fourra de force dans la bouche du misérable. Ensuite, il remit à ses reins sa ceinture garnie de ses armes et reprit la carabine. Alors seulement, il s'empressa d'aller à la jeune fille, dont il coupa les liens avec son Bowie knife. Profondément troublée, la jeune délivrée regardait son sauveur. Grâce aux fatigues subies, Bill avait un air à faire peur, mais dans son visage noirci et souillé, luisaient des yeux clairs et francs. « Ce n'est pas le moment des explications, miss, » dit-il d'un ton chevaleresque. « Mais vous pouvez vous fier à moi. Je suis Bill Cody, soldat au corps franc. Par mon amour pour ma bonne mère, au lit de mort de laquelle je vais, vous pouvez me suivre sans inquiétude, je vous le jure. Si je peux nous sauver, vous et moi, Dieu seul le sait, qu'il nous protège. Maintenant, veuillez me suivre. » Ce simple discours opéra comme un charme magique sur la pauvre fille toute frissonnante. Elle voulut parler, lui prendre la main, mais elle ne put que laisser un torrent de larmes inonder ses joues. En vrai chevalier, Bill lui prit la main droite et la porta à ses lèvres. « Pas de bruit, je vous en prie. Les secondes sont précieuses, » murmura-t-il. « Allons maintenant, en avant. Autrement, nous sommes perdus. » En disant cela, il se tourna vers l'entrée de la caverne, sur le chemin même que les forbans avaient pris. Leur salut, en effet, dépendait de quelques secondes de plus ou de moins. Si l'un de ces drôles revenait, ou s'ils avaient laissé une garde à l'orifice, tout ce qu'il avait fait était inutile et ils étaient perdus. Mais Bill ne connaissait ni la crainte ni le retour en arrière. Il saisit la jeune fille par la main et le suivit sans hésitation.